3, 2, 1. Ils sont partis. Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Good morning, Vietnam! So, back to it. Cours, Forrest, cours! You know nothing, Jon Snow. Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Le Jurassique est une période géologique qui s'étend de plus de 200 millions d'années avant Jésus-Christ jusqu'à 145 millions d'années avant Jésus-Christ. Cette période est aussi connue sous le nom de l'ère des reptiles. Elle sera nommée ainsi en 1829 par le géologue et naturaliste français Alexandre Brongniart d'après les calcaires trouvés dans le Jura, une chaîne de montagnes située en Europe occidentale, principalement le long de la frontière entre la France et la Suisse, au sud-ouest des Alpes. Le début de cette période sera marqué par une extinction massive d'espèces. Près de 20 % des espèces marines et une part importante des grands vertébrés terrestres disparaîtront alors, amenant ainsi à une forte diminution de la diversité biologique. Cette extinction marquera alors le début de l'âge d'or des dinosaures. Leur source principale de nourriture, consistant en prairies, fougères, cicadales et bénétitales, certains dinosaures durent même s'adapter pour consommer des conifères beaucoup plus élevés. Les principaux prédateurs de ces grands herbivores apparaîtront également à ce moment, alors que ce ne sera que vers la fin du Jurassique qu'évolueront les premiers oiseaux. Plus de 65 millions d'années sépareront les hommes des dinosaures, détruisant ainsi ce mythe ancien où seront présentés des films nous montrant que ces deux espèces avaient cohabité ensemble durant l'âge de pierre. En 1993, Steven Spielberg réalisera le film Jurassic Park, qui raconte l'histoire d'un milliardaire du nom de John Hammond qui cherchera à créer un parc où les principales attractions seront des dinosaures qui furent ramenés à la vie grâce à la science et à la manipulation génétique. Ce sera les recherches scientifiques rigoureuses de l'époque qui influenceront alors Spielberg à réaliser cette aventure incroyable qui donnera naissance à l'une des franchises les plus spectaculaires du cinéma nord-américain, incluant plusieurs films, des séries d'animation, des jeux vidéo, des romans, des parcs d'attractions et une multitude d'articles promotionnels. Dans ce programme double titanesque, je vous parlerai donc des deux premiers films de cette franchise qui furent réalisés par le metteur en scène américain Steven Spielberg, soit Jurassic Park en 1993 et The Lost World, Jurassic Park en 1997. Donc, sortez vos petites brosses de paléontologue et préparez-vous à être émerveillé avant d'être terrorisé par ce programme double qui fera un retour vers le passé durant cette période tant adorée des amateurs de monstres préhistoriques, j'ai nommé l'ère jurassique. No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. Sneaking out to the drive-in? Why not take the kiddies along and save the expense of a sitter? Everyone enjoys the drive-in. are dinosaurs are gentle vegetarians. It's Jurassic Park. A raptor grabs a baby dinosaur. Grant tears off in the bush devil tracker to save it. Use the snare! He's safe! Look out, Triceratops! But the young T-Rex wants a piece of the action. Dino damage! Can the dinosaurs be recaptured? Look for the JP mark. It's happening, but only at Jurassic Park. Jurassic Park, Bush Devil Tracker, dinosaurs and figures each sold separately. Time now for your barbecue break. Treat yourself right now to that good old Southern-style Just Right barbecue. Steeped in taste-tingling barbecue sauce, made just right from fresh, firm choice ingredients. The recipe handed down for generations and cooked Southern-style to tender perfection. Slowly, hour after hour, capturing the taste-tempting barbecue flavor. It's just right tender goodness, generously spooned on a fresh, soft bun for you. It's hard to wait. It smells so good. And oh boy, it is lip-smacking good. Here it comes, your Southern-style just right barbecue on a bun with all the delicious trimmings. A snack to remember. Enjoy it now along with your choice of hot or cold drinks. It's a favorite of all the family. Just try the best barbecue in the land that made barbecue famous. It's Southern style, just right barbecue. See your next movie completely free. And now, on with the show. Get more out of life. Go out to a movie. Depuis la nuit des temps, l'homme a fouillé la terre à la recherche de son passé. Mais tandis que certains cherchaient à résoudre le mystère, un homme a trouvé le moyen de ramener ce mystère à la vie. Je possède une île au large du Costa Rica et j'ai consacré les 5 dernières années à créer une réserve biologique. Ici, sur cette île privée, la science a défié l'évolution. Où trouve-t-on le sang de dinosaures qui vivaient il y a 100 millions d'années? La génétique a maîtrisé la création. Nous avons créé des attractions biologiques vivantes si fabuleuses qu'elles vont enflammer l'imagination de toute la planète. Et l'extinction des espèces. Et du domaine du passé. Bienvenue au parc jurassique. Qu'est-ce qu'ils ont là-dedans, King Kong? Aucune de ces attractions n'est encore prête, bien sûr, mais le parc ouvrira avec le circuit de base que vous allez faire. Hé, hey, regardez ça! Qu'est-ce que t'as vu? Les dinosaures et l'homme. Deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution vont tout à coup se retrouver face à face. Tu peux la toucher? Bien sûr. Comment serait-il possible d'avoir la moindre petite idée? T'as senti ça? De ce qui va se passer. Le détecteur tombe en panne dans tout le parc. Ah, oui, oui, gentil. Le téléphone est coupé. Faut qu'il y aille. Universal Pictures présente. Hey, hey, ne bougez plus! Je ne peux pas remettre le courant dans le parc jurassique. Une aventure commencée il y a 65 millions d'années et qui continue aujourd'hui. Ce n'est qu'un retard, c'est tout. Tous les grands parcs à thème ont des retards. Quand ils ont ouvert Disneyland en 1956, rien ne marchait. Peut-être, mais quand les pirates des Caraïbes se détraquaient, ils ne mangeaient pas les touristes. Tu es sûr qu'ils ne pourront pas sortir? Oui. Sauf s'ils découvrent comment on ouvre les portes. Le parc jurassique. Jurassic Park, ou le parc jurassique, est un drame de science-fiction qui a été produit et distribué par les studios Universal Pictures le 11 juin 1993. Ce film américain d'une durée de 127 minutes a coûté plus de 63 millions de dollars à produire, mais amassera plus de 1,46 milliard de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain Steven Spielberg, lui qui nous avait donné Jaws, Raiders of the Lost Ark et Close Encounter of the Third Kind. Au niveau de la production, eh bien, nous y retrouverons la productrice américaine Kathleen Kennedy, elle qui avait produit les films de Hook, Hereafter et la version de 2005 de War of the World, ainsi que Gerald R. Mullen, ce producteur américain qui a travaillé sur les films Rain Man, Schindler's List et Minority Report. Du côté de la scénarisation, eh bien, c'est le scénariste américain Michael Crichton, lui qui avait écrit les scénarios de Twister, Looker et Westworld, qui s'occupera de la scénarisation aux côtés du scénariste américain David Cope, qui lui avait travaillé sur The Paper, Panic Room et la version de 2002 de Spider-Man. Dans la distribution, on y retrouve Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Bob Peck, Martin Ferrero, B.D. Wong, Joseph Mazzello, Ariana Richards, Samuel L. Jackson et Wayne Knight. Grâce au clonage, un promoteur réussit à peupler une île déserte de dinosaures en vue d'en faire un parc d'attractions. Pour rassurer les investisseurs, l'homme d'un certain âge fera appel à divers spécialistes pour juger de la sécurité de son projet et les invitera à explorer le parc en compagnie de ses petits-enfants. Malheureusement, des ennuis techniques précipitent la rencontre entre les monstres et l'agent humain qui, dès lors, doit voir à sa survie. L'auteur Michael Crichton commencera à travailler sur son roman intitulé Jurassic Park dans les années 1980, écrivant originellement du point de vue d'un jeune garçon qui visitait un parc thématique rempli de véritables dinosaures qui s'échapperont alors des enclos où ils étaient retenus en captivité. Il recevra cependant des commentaires négatifs des premiers lecteurs, ce qui le forcera alors à retravailler le roman, mais avec une perspective beaucoup plus adulte. En 1974, Crichton écrira un scénario basé sur ses propres expériences en tant qu'étudiant en médecine dans une salle d'urgence très fréquentée. Le scénario n'est allé nulle part jusqu'au début des années 90, lorsque l'écrivain entamera alors une collaboration avec le réalisateur Steven Spielberg sur un pilote de 2 heures pour une série télé qui allait s'interpréter ER. Ce sera à ce moment que Spielberg demandera à Crichton quel était son prochain projet de livre. C'est alors que ce dernier lui parlera de Jurassic Park et Spielberg a immédiatement demandé à Universal d'acheter les droits du roman en mai 1990 avant même la publication du livre. Crichton exigera des frais non négociables de 1,5 million de dollars pour les droits du film et un pourcentage substantiel du revenu brut au box-office. Universal remportera la mise contre Tim Burton et la Warner Brothers, Richard Donner et la Columbia Pictures, ainsi que Joe Dante et la 20th Century Fox, tous faisant également une offre pour les droits cinématographiques. Après avoir terminé la réalisation de son drame fantastique Hook, et bien qu'enthousiasmé par le projet de Jurassic Park, Spielberg voulait tout d'abord réaliser son projet de rêve, soit de Schindler's List, mais le président de la Universal, Sid Sheinberg, ne donnerait le feu vert au film de Spielberg sur l'Holocauste que si le réalisateur acceptait de faire son film de dinosaure en premier. Les deux films sortiront donc durant l'année 1993, Jurassic Park en juin, alors que Schindler's List sera diffusé en salle en fin d'année. Universal paiera Crichton 500 000 $ supplémentaires pour écrire le scénario. Le livre, qui sera publié en 1990, était assez long et Crichton ne conservera qu'entre 10 et 20 % du contenu de son roman, des scènes ayant été abandonnées pour des raisons budgétaires et pratiques. Malia Scotch-Marmot commencera par la suite une réécriture du scénario en octobre 1991 sur une période de plus de 5 mois, mais non satisfait du travail remis, Spielberg demandera alors qu'un autre écrivain retravaille le scénario. C'est alors que David Cope, co-auteur du scénario Death Becomes Her, sera embauché pour retravailler le script et apportera plusieurs changements, surtout au niveau des personnages. Ce sera à ce moment que le personnage de Hammond passera d'un homme d'affaires impitoyable à un vieil homme bienveillant. Il changera également les caractéristiques des deux jeunes enfants à la demande de Spielberg qui désirait travailler avec le jeune acteur Joseph Mazzello. Au niveau de la distribution, Sir Richard Attenborough sortira d'une retraite de 14 ans comme acteur à la demande de Steven Spielberg afin de jouer dans Jurassic Park. Spielberg lui avait déjà demandé à deux reprises de jouer dans ses films, mais Attenborough avait à chaque fois refusé. Sa dernière apparition dans un film en tant qu'acteur fut The Human Factor d'Otto Preminger en 1979. Il est à noter que l'acteur Sean Connery avait été sollicité pour ce rôle à l'origine, mais sa demande salariale était beaucoup trop élevée pour la production. Pour le jeune Joseph Mazzello, ce dernier avait tout d'abord auditionné pour un rôle dans le drame fantastique Hook de Spielberg en 1991, mais à 7 ans, il était trop jeune pour être casté dans le film. Le réalisateur viendra le voir par la suite et lui dira de ne pas s'inquiéter car il avait un rôle pour lui en tête, ce rôle étant celui du petit-fils de Hammond, Tim. Pour le rôle de sa sœur Alex, ce sera la jeune actrice Ariana Richard qui remportera ce rôle après que Spielberg l'ait entendu crier durant son audition. Pour le personnage d'Ellie Sattler, Laura Dern fut le premier choix de Spielberg, bien que ce rôle fût également offert à l'actrice Robin Wright qui le refusa, laissant ainsi la porte grande ouverte pour Dern. Gwyneth Paltrow et Ellen Hunt auditionnèrent également pour le rôle. Du côté du personnage du Dr. Ian Malcolm, Jim Carrey était le grand favori à l'origine, mais la directrice de la distribution, Janet Hirshenon, soumettra le nom de Jeff Goldblum et poussera ce dernier jusqu'à l'acceptation de Spielberg. Finalement, inspiré par le célèbre paléontologue Jack Horner, qui sera consultant sur la production de Jurassic Park, le personnage d'Alan Grant sera initialement proposé à l'acteur William Hurt, qui refusera l'emploi sans même lire le scénario. Harrison Ford se verra également offrir le rôle avant que Sam Neill ne soit finalement choisi 3 ou 4 semaines avant le début du tournage. Plus de 25 mois de pré-production seront nécessaires, le tout débutant le 30 août 1991. La première intention de Spielberg fut d'utiliser le plus possible des effets organiques mélangeant marionnettes et animatroniques. La référence qu'il avait en tête était le fameux King Kong robotisé Grandeur Nature du parc Universal Studios à Orlando, créature qui fut créée pour le film de 1976, King Kong. Il embaucha son concepteur Robert Gurr et le chargea de développer un tyrannosaure robotisé de taille réelle, complètement autonome. Mais les premières esquisses de l'ingénieur amèneront Spielberg à revoir ses attentes à la baisse. En effet, un dinosaure réaliste de plus de 6 mètres de haut, capable de se déplacer, était au-delà des possibilités de la robotique de l'époque. Il se tourna alors vers Stan Winston, réputé pour avoir créé le fameux Terminator et les Aliens de James Cameron. À peine approché, alors que la faisabilité du film dépend encore du budget qui sera demandé pour la création de ces dinosaures, Winston se met en tête de travailler sur le projet à ses frais. Il demande alors au dessinateur Mark McQuarrie de réaliser des esquisses, ce dernier devenant un des artistes de référence sur le film. S'inspirant des travaux des paléontologues Robert Backer et Gregory Paul, il posera les bases de l'aspect visuel des dinosaures qu'on retrouvera par la suite dans le long métrage. Phil Tippett sera alors embauché pour créer l'animation stop-motion afin de réaliser les mouvements des créatures sur le grand écran. Mais ce sera à ce moment que Dennis Muren, spécialiste des effets spéciaux numériques chez Industrial Light & Magic et collaborateur de longue date de Spielberg, présentera un document visuel au réalisateur afin de remplacer toutes les séquences de stop-motion du long-métrage par le numérique, ce que fera le réalisateur alors impressionné par le résultat final. Mais, ne voulant pas perdre la participation de Phil Tippett, Spielberg sera recyclé le talent de l'artiste en utilisant les séquences d'image par image pour la phase préparatoire faisant le lien entre le storyboard de production et le tournage. Le paléontologue Jack Horner supervisera les dessins afin d'aider à réaliser le désir de Spielberg de dépeindre les dinosaures comme des animaux plutôt que comme des monstres. De son côté, Stan Winston doit aussi revoir certaines de ses techniques pour la création mécanique du tyrannosaure, du brachiosaure, du dilophosaure, du triceratops et du vélociraptor. Plus de 18 mois seront nécessaires pour la conception de tous ces dinosaures robotiques. Au final, Spielberg réussira à créer son projet en se servant donc de dinosaures mécaniques pour différentes étapes du mouvement qu'il souhaitait créer, l'informatique se chargeant par la suite d'extrapoler le reste. Durant la recherche pour compléter la distribution du long-métrage, des équipes artistiques travailleront sur la conception des décors du film. Le tournage sur les îles de Kauai et d'Oahu a nécessité des travaux titanesques, dont le plus compliqué fut la mise en place des clôtures gigantesques entourant le parc. Plus de 10 km de câbles durent à être tendus entre des pylônes de 4 mètres fichés dans des socles en béton, le tout dans des endroits difficiles d'accès, que ce soit au milieu de la jungle ou au sommet d'un canyon. Avant de construire les décors sur les lieux de tournage, l'équipe se devait de construire les routes pour y accéder. Le tournage débutera le 24 août 1992 sur l'île hawaïenne de Kaiʻui avec la scène du Triceratops. 3 semaines après le début du tournage, l'île, où toute l'équipe de production était installée, fut frappée de plein fouet par l'un des ouragans les plus destructeurs de tous les temps. L'ouragan Iniki perturbera quelque peu le tournage et terrifia les acteurs et l'équipe, à l'exception d'un certain Richard Attenborough, qui, lui, dormira dans sa chambre malgré la violence de la tempête. Spielberg en profitera pour tourner des plans de la mer en furie qui seront utilisés pour le film. Lorsque le calme reviendra sur l'île, l'équipe de production quittera le lieu de tournage afin de se rendre à Los Angeles pour terminer les prises de vue. Une des scènes complexes à réaliser fut celle de la cuisine. En effet, ce décor fut conçu en fonction des déplacements prévus par les Raptors et de l'espace nécessaire pour la manipulation des animatronics. Les gros problèmes de cette séquence seront la taille démesurée du plateau de tournage qui demandera alors beaucoup d'éclairage et surtout l'aspect métallique brillant voulu par Spielberg pour les meubles beaucoup trop longs qui faisaient en sorte que tout s'y reflétait. Les cadreurs et marionnettistes durent développer des trésors d'ingéniosité pour ne pas apparaître dans un reflet ni même y faire briller un projecteur ou autre élément lumineux. La dernière partie du tournage nécessitera le déménagement de toute l'équipe de production vers le studio 16 de la Warner Brothers, qui était à l'époque le plus gros plateau disponible à Hollywood. Le décor pour cette scène fut construit autour du tyrannosaure animatronique, dont la conception et l'assemblage avaient duré presque 2 ans. Malgré toute l'attention portée à sa création, l'équipe n'avait pas trouvé de solution pour protéger le mastodonte des trombes d'eau projetées sur le plateau pour dissimuler la tempête. Spielberg leur promettra que l'eau ne serait pas directement projetée sur le robot, mais une fois sur le plateau de tournage, cette restriction s'avérera inapplicable. La peau en silicone se retrouvait donc régulièrement gorgée d'eau, augmentant sensiblement le poids de l'animal jusqu'à la limite supportée par la machinerie. Le dinosaure se mettait alors à trembler et l'équipe devait passer plusieurs heures pour l'assécher. Le tournage de Jurassic Park se terminera le 30 novembre 1992, soit 12 jours avant la date prévue. Spielberg réussira à garder la production totalement secrète, des badges de sécurité étant nécessaires pour entrer sur le plateau, qui fut alors entièrement fermé aux visiteurs. De plus, les acteurs n'étaient pas autorisés à divulguer d'informations majeures lors d'entretiens avec les médias. Finalement, les partenaires de marchandises promotionnelles devaient signer des accords de non-divulgation. Le monteur Michael Caine réussira à remettre très rapidement une version finale de base du long-métrage à Spielberg, permettant alors à ce dernier de quitter la post-production de Jurassic Park pour débuter le tournage de son prochain film, Schindler's List, en mars 1993. Il supervisera une partie de cette post-production depuis la Pologne, mais laissera tout de même le film entre bonnes mains. En effet, il demandera à son meilleur ami, George Lucas, de superviser la majorité des dernières semaines de post-production, le remerciant officiellement pour cela à l'intérieur du générique de fin du long-métrage. Bien que Industrial Light and Magic avait déjà travaillé avec le numérique sur des films tels que The Abyss en 89 et Terminator 2 Judgment Day en 1992, ce sera véritablement Jurassic Park qui sera considéré comme le film ayant représenté la plus grande avancée technologique révolutionnaire pour l'industrie cinématographique, introduisant l'ère numérique à Hollywood. Ce sera grâce à une entreprise montréalaise et à la création du logiciel Softimage par Daniel Langlois que tout cela pourra être possible. Ce sera la création d'un film d'animation de Langlois, conçu au Centre de calcul de l'Université de Montréal, qui épatera la galerie hollywoodienne. Ce sera cet événement qui fera en sorte que Montréal est aujourd'hui considéré comme une plaque tournante de l'industrie des effets visuels, se situant au 3e rang mondial dans ce secteur, aux côtés de Londres et de Vancouver. Durant la production, un incident surviendra qui aurait pu coûter la vie à un membre de l'équipe. En effet, lors de la construction du T-Rex animatronique, le technicien Adam Scott était à l'intérieur du dinosaure robotique en train de coller de la peau sur sa structure, lorsque l'alimentation qui gardait l'hydraulique en place s'éteindra dans le studio, entraînant ainsi le déplacement du T-Rex dans sa position initiale. Miraculeusement, la position du technicien à l'intérieur de la machine fera en sorte que toutes les tôles et pistons de l'animatronix le manqueront de peu, l'homme échappant ainsi aux mâchoires du prédateur sans aucune blessure grave après que ses collègues aient réussi à réouvrir la bouche du T-Rex pour le sortir de cette situation inconfortable. Le compositeur de musique John Williams commencera à écrire la partition de Jurassic Park à la fin de février 1993, partition qui sera alors enregistrée un mois plus tard. Le processus de composition sera effectué au Skywalker Ranch, en même temps que le processus d'édition sonore, ce qui permettra à Williams de s'inspirer du travail de Gary Rydstrom pour les sons provenant des dinosaures. Malheureusement, Williams se blessera au dos pendant les séances de notation, forçant ce dernier à demander l'aide d'Artie Kane pour diriger l'orchestre durant certaines orchestrations. Kane ne sera pas crédité dans le film, mais recevra des remerciements particuliers dans le générique de l'album de la bande originale de 1993 et sera répertorié comme chef d'orchestre sur l'album distribué par l'étiquette La La Land Records. Pour la première fois de sa carrière, Steven Spielberg ne put assister aux sessions d'enregistrement d'une de ses productions car il était encore en Pologne au moment de l'enregistrement pour le tournage de Schindler's List. Une première bénéfice aura lieu à Washington le 9 juin 1993, ces bénéfices étant remis au Children's Action Network basé à Los Angeles en Californie ainsi qu'au Children's Defense Fund basé à Washington. La sortie en salle débutera deux jours plus tard, soit le 11 juin 1993, avec plus de 1500 projections à minuit à travers le continent nord-américain. Le lendemain, la version s'est étendue à plus de 3400 écrans à travers plus de 2400 cinémas sur le continent nord-américain. Jurassic Park deviendra pour son époque un succès commercial sans précédent. Au début d'octobre 1993, le film surclassera le précédent détenteur du record mondial du box-office, soit E.T. The Extraterrestrial, réalisé encore une fois ici par Steven Spielberg, Jurassic Park remportant plus de 704 millions de dollars dans le monde. Spielberg remportera entre 200 et 250 millions de dollars au total avec les pourcentages des recettes du box-office et son pourcentage reçu de la vente d'articles promotionnels en rapport avec le long-métrage, un chiffre record qui dépassait largement le montant d'argent estimé à 60 millions de dollars que Jack Nicholson avait reçu de Batman en 1989. Toujours en octobre 1993, les ventes de billets et des articles promotionnels dépasseront le cap du milliard de dollars, faisant de Jurassic Park l'un des 8 films, dont la moitié avait été réalisé par Spielberg, à accomplir un tel exploit. Pour son époque, Jurassic Park deviendra le film le plus rentable au monde de tous les temps, ayant généré environ 3 milliards de dollars de toutes les sources de revenus, dont 700 millions de dollars de bénéfices nets, plus d'un milliard de dollars qui viendront de la vente au détail de marchandises, 500 millions de dollars de ventes de vidéocassettes domestiques et plus de 150 millions de dollars de ventes des droits de diffusion pour la télévision. Avec la sortie du film, le livre de Michael Crichton se vendra à plus de 5 millions d'exemplaires, forçant ce dernier à écrire une suite qui sera intitulée The Lost World. Le film remportera 3 Oscars en 1994, soit ceux du meilleur montage sonore, du meilleur mixage sonore et des meilleurs effets visuels. Le succès de Jurassic Park lancera une franchise entière chez Universal, y compris un parc d'attractions qui deviendra extrêmement populaire à Universal Studios, le développement du manège ayant même commencé avant même que le film ne commence à être tourné. Spielberg supervisera le développement créatif du manège qui ouvrira ses portes le 15 juin 1996 après 6 ans de développement avec un investissement monétaire de plus de 110 millions de dollars. Appelée Jurassic Park The Ride, cette attraction sera reproduite par Universal Studios Japan en 2001, ainsi qu'à Orlando en Floride, où le parc d'attractions général possède une section entière dédiée à Jurassic Park qui comprend le manège principal, baptisé Jurassic Park River Adventures, ainsi que de nombreux petits manèges et attractions basés sur la série. À Universal Studios Singapour, ouvert en 2010, la zone thématique nommée The Lost World se compose principalement de manèges Jurassic Park tels que les montagnes russes Canopy Flyers et les rapides de la rivière Jurassic Park Rapid Adventures. À l'occasion du 20e anniversaire de la sortie du film Jurassic Park, une version 3D du film sera distribuée en salle. Ce sera suite au visionnement de la version 3D du film de 1999 Titanic en 2012 que Spielberg embauchera la même société de rénovation qui avait travaillé sur le film de James Cameron et supervisera le processus pendant plus de 9 mois avec l'aide du directeur de la photographie Janusz Kaminski. Industrial Light and Magic fournira certains éléments mis à jour des plans d'effets numériques pour une meilleure amélioration visuelle. La version 3D sera alors diffusée aux États-Unis et dans plusieurs autres pays le 5 avril 2013. L'American Film Institute nommera Jurassic Park en juin 2001 comme le 35e film le plus excitant de tous les temps. À l'occasion du 15e anniversaire du magazine Empire en 2004, celui-ci jugera que Jurassic Park fut le 6e film le plus influent de la vie du magazine. D'ailleurs, dans un sondage mené par le populaire magazine auprès des lecteurs, des cinéastes et des critiques, le film fera partie des 500 plus grands films de tous les temps. Finalement, dans un sondage réalisé par les lecteurs du magazine Entertainment Weekly en 2010, Jurassic Park fut classé comme le plus grand film d'été des 20 dernières années. Du côté des points forts, eh bien, avec Jurassic Park, Steven Spielberg nous revient dans un univers qui avait fait sa force dans les années 70 avec Duel et Jaws, soit le suspense. Sa réalisation nerveuse et inventive permet au réalisateur de nous donner ici un suspense époustouflant soutenu par un visuel des plus spectaculaires pour son époque, visuel qui a très bien vieilli avec le temps. Spielberg réussit d'une façon ingénieuse à bien faire le saut entre l'animatronics et le numérique, ce dernier s'assurant continuellement de faire passer le réalisme de ses scènes avant l'aspect très spectaculaire de ces dernières. D'ailleurs, à part quelques images, les effets spéciaux sont tout simplement parfaits, permettant au spectateur de croire sans difficulté au spectacle qu'il est en train de regarder. De plus, les mouvements réalistes des créatures sont assez impressionnants, Spielberg se permettant même de nous donner l'une des séquences les plus spectaculaires de toute l'histoire du cinéma, avec cette scène nous montrant l'attaque de 2 véhicules par un T-Rex, le réalisateur ayant même l'idée d'enlever toute musique afin de permettre au spectateur d'être cloué sur son siège durant toute la scène. Spielberg se permet même de se servir de 2 de ses personnages principaux pour montrer le chaos des idéologies véhiculées dans le film, soit le docteur Ian Malcolm, qui est vêtu de noir et représente l'avertissement contre le danger de la technologie, alors que le personnage de John Hammond est lui vêtu de blanc et représente la naïveté, jouant avec une technologie dont il n'a requis aucune maturité pour l'obtenir, l'homme traitant son parc comme un moyen d'amuser sa clientèle, sans voir les dangers occasionnés par les nouveaux habitants de son parc d'attractions. De plus, Spielberg prend le temps de bien montrer ses dangers de la technologie et du clonage et à quel point par moment l'homme devrait apprendre à réfléchir avant d'agir, créant continuellement de nouvelles manières d'accélérer son extinction sur la Terre. Au niveau de la distribution, Richard Attenborough est tout simplement charmant, Goldblum est véritablement amusant, alors que Sam Neill nous donne ici une prestation remplie d'assurance et de réalisme. Du côté musical, John Williams nous donne ici probablement l'une de ses meilleures trames sonores de film de sa carrière. Au final, on pourrait véritablement dire que le film débute après 40 minutes, au moment même où les passagers des 2 véhicules traversent les portes de Jurassic Park, le réalisateur sortant de sa mise en scène conventionnelle où l'on reconnaissait plusieurs de ses films précédents, dont notamment Raiders of the Lost Ark, et ainsi se rendre avec nous dans un monde nouveau où son habileté et son génie de la mise en scène sera épaté le spectateur. Si vous désirez savoir ce qu'est un véritable blockbuster estival, Jurassic Park est l'exemple parfait de ce type de produit cinématographique. Du côté des points faibles, cependant, c'est peut-être là que se trouve probablement l'une des plus grosses faiblesses du film, c'est-à-dire les 40 premières minutes où Spielberg semble travailler sur le pilotage automatique et où il nous donne des jeux de caméra traditionnels vus dans plusieurs de ses autres productions précédentes. D'ailleurs, avec la musique, on peut s'empêcher de penser à Indiana Jones, Jaws ou même Close Encounter of the Third Kind, et cela devient très dérangeant si vous êtes un fan de Spielberg. Du côté des comédiens, eh bien, la véritable faiblesse du film réside avec l'actrice Laura Dern, qui est loin d'être en pleine forme ici, cette dernière semblant être vraiment très mal à l'aise avec le style du metteur en scène. Même les deux jeunes acteurs interprétant les petits-enfants de John Hammond semblent être supérieurs à sa prestation durant toute la durée du film. Finalement, le scénario se permet quelques facilités où l'on nous explique mal comment l'on en arrive à certains dénouements. Prenons comme exemple ce vélociraptor qui est enfermé dans un congélateur, mais qui va réussir, sans qu'on le voie faire, à sortir de cet endroit, ce qui est véritablement impossible dans les faits. Du côté de la trame sonore, eh bien, c'est le compositeur John Williams qui a composé la musique, lui qui nous a donné les trames sonores des films Raiders of the Lost Ark, Jaws, Close Encounter of the Third Kind et E.T. The Extraterrestrial. On peut retrouver plusieurs éditions différentes de la trame sonore, notamment celle qui est sortie en CD, en cassette vidéo, le 25 mai 1993 sous l'étiquette MCA. Mais on a également Jurassic Park, la Limited Edition, qui est sortie le 11 juin 2014 sous l'étiquette Mondo. On a également le Jurassic Park 20th Anniversary, qui a été mis sur le marché le 26 mars 2013 par les étiquettes Griffin Records. The John Williams Jurassic Park Collection, qui était limité à plus de 5000 exemplaires et qui est sorti sur le marché le 29 novembre 2016 sous l'étiquette La La Land Records, avant bien sûr d'avoir cette édition de disques Jurassic Park Remastered et Expanded, qui a eu une sortie limitée à plus de 5000 exemplaires et qui a été distribuée donc le 5 juillet 2022 par les étiquettes La La Land Records. Je vous fais écouter ici la musique thème du film Jurassic Park. Golden pure creamery butter, rich, flavorful, satisfying. That's what it takes for the finest buttered popcorn, and that's what we use. See for yourself why there's no Showtime treat to equal the crisp, delicious flavor of hot popcorn that's bathed in real melted butter. It's at the concession stand now. You've seen the show. It was quite a treat. But now you'd like something to eat, so right this way to the concession stand serving Castleberries, the best in the land. Yes, sir. Castleberries is real southern barbecue. Choice cuts of meat slowly cooked over open pits of smoldering oak coals for honest-to-goodness barbecue flavor. You'll also find hot coffee, cold soft drinks, and delicious ice cream in our snack bar to go with your Castleberry sandwich. Just look at that generous helping of rich, juicy barbecue. Yum, yum. Come on. We've got to get out of here. Must go faster. Would you like to take it for a test drive? I just did. Something has survived. And it's at Burger King. Four collectible watches from the Lost World Jurassic Park. When you buy any Tasty Burger King value meal, get a killer Lost World watch for only $1.99. They can only be sighted at Burger King. Collect all four, just $1.99 with any value meal. Before time runs out. See your next movie completely free. And now, on with the show. Get more out of life. Go out to a movie. Maman, papa, venez voir ce que j'ai trouvé. Une famille anglaise en croisière privée est tombée sur le site B. Et maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps pour que ce monde perdu soit découvert et pillé. Heureusement, vous avez mis cette île en quarantaine. Mais je suis choqué par ce que vous me dites. Waouh ! C'est pas génial ! Eh oui, c'est comme ça que ça commence. Et ensuite, il y a des cris et des... Sauf qui peut. Mais qu'est-ce que c'était ? Courez. Aussi vite que vous pourrez. Envoyez-moi des secours, immédiatement. Sortir des dinosaures de cette île est la pire des idées dans l'histoire des mauvaises idées. Lançons ce festin ambulant sur la route. Ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Maman est très en colère. The Lost World, Jurassic Park, ou Le Monde perdu, Jurassic Park, est un drame de science-fiction qui a été produit et distribué par les studios Universal Pictures le 23 mai 1997. Ce film américain d'une durée de 129 minutes a coûté plus de 73 millions de dollars à produire et amassera plus de 618,6 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve de nouveau le metteur en scène américain Steven Spielberg, lui qui avait réalisé des films tels Munich, The Color Purple, Amistad et The Terminal, Sur la chaise des producteurs, eh bien, on y retrouve Gerald R. Mullen, ce producteur américain qui a travaillé sur The Little Rascals, Hook et The Other Side of Heaven, ainsi que Colin Wilson, ce producteur américain qui a travaillé sur des films tels Casper, Small Soldiers et The Meg 1 et 2. À la scénarisation, eh bien, c'est le scénariste américain David Cope qui, lui, a travaillé sur les films Bad Influence, Carlito's Way et Spider-Man version 2002 qui écrira ledit film. Du côté de la distribution, eh bien, on y retrouve Jeff Goldblum, Julianne Moore, Pete Postlethwaite, Arliss Howard, Richard Attenborough, Vince Vaughn, Vanessa Lee Chester et Peter Stormare. Ayant survécu à la visite d'une île peuplée de dinosaures, un scientifique apprend qu'une deuxième île sert d'incubateur naturel aux dinosaures du premier parc jurassique. Lorsqu'il apprend que sa compagne, une paléontologue, est déjà sur place pour observer les mœurs de ces terribles lézards, ce dernier la rejoint afin de la convaincre de l'inévitable danger qui menace son équipe. Arrivé sur les lieux, il constate alors qu'un groupe de chasseurs est également sur l'île et qu'il est chargé de rapporter plusieurs de ces dinosaures à San Diego pour être transférés dans un nouveau type de zoo. Après la publication de ce roman, Jurassic Park, en 1990, l'écrivain Michael Crichton sera poussé par ses fans à écrire une suite. Suite au succès de l'adaptation cinématographique de Jurassic Park en 1993, le réalisateur Steven Spielberg se montrera également très intéressé à la réalisation d'une suite, rajoutant alors de la pression sur l'auteur qui n'avait jamais écrit de suite à aucun de ses romans auparavant. Cela s'avérera un véritable problème structurel pour lui, car l'histoire devait avoir des similitudes avec le premier livre, sans toutefois être trop identique. Ce sera finalement en mars 1994 que Crichton annoncera qu'il allait écrire une suite à son roman de 1990. Bien qu'il ait été suggéré que le personnage de Ian Malcolm soit mort dans le premier roman, Crichton a choisi de le faire revenir pour la suite. Un an plus tard, Crichton annoncera qu'il avait presque terminé l'écriture de son nouveau roman et que le titre serait un hommage au roman de l'auteur Arthur Conan Doyle, écrit en 1912 et intitulé The Lost World. Le livre sera publié en septembre 1995 et deviendra numéro 1 sur la liste des meilleures ventes du New York Times durant plus de 8 semaines entre octobre et novembre 1995 et restera sur cette liste jusqu'en mars 1996. Spielberg s'était déjà engagé à produire l'adaptation cinématographique, le tournage devant débuter à l'été 1996 avec une sortie en salle prévue pour 1997. Mais Spielberg sera fort occupé avec la création de son nouveau studio DreamWorks et n'avait pas encore décidé s'il dirigerait le film ou s'il ne se contenterait que de le produire. Une équipe de production sera alors constituée au printemps 1995. Alors que Crichton terminait son roman, Spielberg et le scénariste David Cope commencèrent à développer des idées pour le scénario. Le réalisateur Joe Johnston fut l'homme choisi pour occuper le poste de réalisateur, mais des problèmes de planification avec son travail sur Jumanji l'empêcheront alors de prendre le poste. Suite à la sortie du livre en septembre, Spielberg confirmera alors sa présence comme réalisateur pour l'adaptation cinématographique dont le tournage débutera finalement en novembre de cette même année. L'accord monétaire entre la Universal et David Cope sera considéré comme le plus lucratif pour une adaptation à l'époque, avec des frais de l'ordre de 1,5 à 2 millions de dollars. Cope aura alors plus d'une année entière pour écrire le scénario et devra, sous les fortes recommandations de Spielberg, regarder le film de 1925 « The Lost World » basé sur la nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle, histoire dont le réalisateur, tout comme Crichton, voulait se servir comme inspiration pour sa nouvelle production. Michael Crichton ne sera pas consulté lors de l'écriture du script de The Lost World et ce ne sera que lorsqu'il refusera d'approuver certains droits de marchandise pour le nouveau film qu'il reçut une copie du scénario. Ce sera à ce moment qu'il découvrira que Spielberg et Cope n'avaient gardé que deux idées de son livre, soit celle d'une deuxième île peuplée de dinosaures ainsi que la fameuse scène où la remorque de nos héros est attaquée par deux T-Rex. L'idée d'un comportement parental et nourricier chez les dinosaures sera également retenue. De plus, Spielberg et Cope s'inspireront plus du premier roman de Crichton, intégrant l'attaque contre la famille Bowen au début de l'histoire et donneront au personnage de Dieter Stark la mort du personnage de John Hammond dans le premier roman, ce dernier étant dévoré vivant par un paquet de Compsognathus sauvages. Durant l'écriture de son scénario, David Cope gardera une lettre qu'il reçut d'un fan à côté de son écran d'ordinateur qui se plaignait d'avoir attendu trop longtemps pour montrer les dinosaures dans le premier film et qui désirait avoir de nouveau un T-Rex et des vélociraptors. Cope ajoutera donc plus d'action avec les dinosaures dans son histoire et présentera de nouvelles créatures dans le film. Petit fait amusant, Cope obtiendra un petit rôle dans le long-métrage, ce dernier interprétant l'une des premières victimes du T-Rex dans la ville de San Diego. Spielberg apportera deux changements majeurs au scénario. Tout d'abord, il fera retirer les deux séquences comprenant des pteranodons, créatures qui sera alors conservée pour le prochain film de la série. Puis, quelques semaines avant le début du tournage, le réalisateur demandera de changer la fin de l'histoire afin qu'un T-Rex puisse se déchaîner à travers la ville de San Diego, ce dernier croyant que le public apprécierait le saccage d'une ville par un dinosaure, et ce sera également un hommage direct au film de 1925 The Lost World, dans lequel un brontosaure saccagera la ville de Londres. Lors de la réalisation de cette séquence, Spielberg fera des références à des films de monstres tels que The Beast from 20,000 Fathoms, Gorgo, Godzilla, la version de 1954, ainsi que King Kong de 1933, le bateau transportant le T-Rex vers San Diego, portant le même nom que le bateau qui transportait Kong à New York, soit le USS Venture. Au final, Cope écrira plus de 9 versions différentes du scénario pour le film. Durant ce temps, Spielberg travaillait sur l'embauche de sa distribution. En novembre 1994, Richard Attenborough reprendra son rôle de John Hammond, annonce qui sera faite après celle de l'acteur Jeff Goldblum. En 1995, Spielberg rencontrera la jeune Vanessa Lee Chester lors de la première du film A Little Princess, dans lequel elle apparaissait. Spielberg reverra Chester l'année suivante pour discuter de The Lost World, Jurassic Park, avant de finalement la choisir pour le rôle de la fille du personnage de Malcolm. Pete Postlethwaite sera choisi après que Spielberg ait vu sa performance dans le film de 1993, In the Name of the Father. Ce sera en avril 1996 que Julianne Moore fut engagée pour jouer aux côtés de Jeff Goldblum, Spielberg ayant admiré la performance de l'actrice dans The Fugitive. Finalement, en août, Vince Vaughn rejoindra la distribution, Spielberg ayant été impressionné par sa performance dans le film de 1996, Swingers, long-métrage que le réalisateur avait vu après que les cinéastes lui aient demandé la permission d'utiliser la musique de son film Jaws dans leur production. Ce sera la Nouvelle-Zélande qui sera initialement choisie comme lieu de tournage, mais le comté de Humboldt, en Californie, sera préféré à la dernière minute afin de sauver sur les coûts de production. Les lieux de tournage incluaient les forêts de Sequoias, d'Eureka, en Californie, endroit choisi parce que des recherches avaient indiqué à l'époque que les dinosaures habitaient dans des forêts comme celle d'Eureka. Le tournage des scènes extérieures débutera donc le 5 septembre 1996 à Fern Canyon dans l'État de Prairie Creek Redwoods en Californie. La production s'est poursuivie dans le nord de la Californie pendant 2 semaines avant de se terminer à la fin décembre. Des séquences seront tournées à l'intérieur des studios de la Universal jusqu'au début de 1997. Spielberg n'autorisera pas les répétitions en tracteur, voulant capturer le jeu des comédiens avec le moins de prises possible. Le metteur en scène souhaitait également le retour de son directeur de la photographie de longue date, Dean Condé, pour The Lost World, ce dernier ayant travaillé sur le film précédent. Malheureusement, Condé était fort occupé avec la réalisation de son premier et unique film en carrière, Honey, We Shrunk Ourselves. Ce sera donc le réalisateur de la photographie, Janusz Kaminski, qui prendra sa place. Kaminski avait travaillé avec Spielberg sur Schindler's List et donnera au monde perdu un regard plus sombre que son prédécesseur. Le scénariste David Cope se portera volontaire afin d'obtenir le poste de réalisateur de la deuxième unité dans l'espoir d'acquérir plus d'expérience en tant que metteur en scène. Le travail de la deuxième unité consistait à établir des plans tels que des personnes marchant sur l'île de Isla Sorna et des plans d'hélicoptère. Lorsque Spielberg ne sera pas disponible pour le tournage en raison d'un engagement familial à New York, Cope prendra le contrôle de la première unité pendant 8 jours de tournage, Spielberg surveillant le processus de tournage par vidéo satellite durant sa semaine de congé. Presque la moitié du long-métrage sera tournée à l'aide d'une Steadicam, une sorte de support de stabilisateur de caméra cinématographique inventée par Garrett Brown et introduite dans les productions hollywoodiennes en 1975. Cet engin permet une prise de vue fluide, même lorsque l'opérateur se déplace sur une surface irrégulière. Alors que Jurassic Park présentait principalement des dinosaures animatroniques construits par l'équipe de Stan Winston, The Lost World s'appuyait davantage sur l'imagerie générée par ordinateur d'Industrial Light and Magic. Certains des animatroniques coûteront jusqu'à 1 million de dollars, pesant plus de 9 tonnes et demie. Les deux T-Rex animatroniques seront réellement utilisés pour attaquer la remorque de nos héros, secouant et causant de véritables dommages au véhicule. Alors que le film se retrouvera dans sa partie post-production, le compositeur de musique John Williams créera de nouveau la musique de ce nouveau chapitre. Contrairement à la plupart des partitions écrites par Williams pour des suites, le compositeur développera plutôt un style tout à fait différent avec la création de nouveaux thèmes totalement uniques à ce second long-métrage. Après la conclusion de sa composition, ce sera les conducteurs Conrad Pope et John Neufeld qui dirigeront l'orchestre durant l'enregistrement. En février 1997, Universal Pictures annoncera un budget de publicité s'élevant à plus de 250 millions de dollars, le tout réalisé avec plus de 70 partenaires promotionnels, dont Burger King, JVC, Mercedes-Benz, Seagram, Tropicana Products, Hamburger Helper, Betty Crocker, General Mills, Sega, Topps Comics, Kenner et Hershey's. Le 13 décembre 1996, une première courte bande-annonce sera projetée dans plus de 42 cinémas à travers les États-Unis et le Canada au coût de 14 000 $ par cinéma. La toute première bande-annonce officielle du film sera, elle, diffusée le 26 janvier 1997 durant le Super Bowl 31. La première de Lost World Jurassic Park sera réalisée le 19 mai 1997 dans un cinéma Cineplex Odeon à Universal City en Californie. Le film sera par la suite distribué officiellement le 23 mai 1997 dans plus de 3281 salles. Avec ce nouveau succès, le film sera étendu à plus de 3565 salles lors de son quatrième week-end. Malgré plusieurs nominations aux Academy Awards, Grammy Awards, aux Image Awards, MTV Awards ainsi qu'aux Raspberries Awards, The Lost World Jurassic Park ne remportera que le prix du meilleur réalisateur qui sera remis à Steven Spielberg aux Rembrandt Awards en 1998. Lost World Jurassic Park encaissera plus de 92,7 millions de $ pour les 4 jours de vacances du Memorial Day, dont 2,6 millions de $ des avant-premières la veille. Le film deviendra alors le tout premier long-métrage de sa période à atteindre la barre des 70 millions de $ lors d'un week-end d'ouverture, record détenu jusqu'à la sortie de Harry Potter and the Sorcerer's Stone en novembre 2001. The Lost World a également battu plusieurs autres records au box-office de sa période. En effet, le film a remporté 21,6 millions de $ lors de son ouverture le vendredi et 24,4 millions de $ le deuxième jour, ce qui en faisait les recettes les plus élevées jusqu'à cette date. Il est également devenu le film le plus rapide à passer les 100 millions de $ réalisant l'exploit en seulement 6 jours. Malgré ses records, son total brut au box-office est tombé en dessous du total du film original, les ventes de billets chutant de plus de 62% lors de son deuxième week-end. Au final, le drame de science-fiction, qui rivalisera avec d'autres films à succès tels que Face Off, Men in Black, Con Air, Batman et Robin et Speed 2 Cruise Control, amassera 229,1 millions de $ aux États-Unis et 389,5 millions de $ à l'international, devenant le deuxième film le plus rentable de 1997, tout juste derrière Titanic. Fox paiera plus de 80 millions de $ pour les droits de diffusion de The Lost World Jurassic Park, qui fera ses débuts à la télévision le 1er novembre 1998. La version télévisée sera allongée avec des scènes supprimées au montage qui comprenaient l'éviction de John Hammond par les dirigeants d'InGen. Du côté des points forts, eh bien, suite veut dire plus de dinosaures, plus d'action, plus de morts, plus de tout. Jurassic Park 2 est une véritable lettre d'amour à l'histoire d'Arthur Conan Doyle, The Lost World, devenant beaucoup plus un film d'aventure qu'un film de science-fiction comme son prédécesseur. Spielberg en profite également pour faire de nombreux hommages aux différents films de monstres ayant été diffusés sur le grand écran depuis les débuts du cinéma. Les moments de suspense sont enlevants, tout comme la mise en scène inventive de Spielberg, bien que cette dernière soit quelque peu moins spectaculaire ici que dans le film précédent. La distribution est assez bonne, tout comme les effets spéciaux numériques qui réussissent ici à donner un aspect humain aux différentes créatures. D'ailleurs, certains effets spéciaux sont assez spectaculaires et la scène de l'attaque de la remorque de nos héros par deux T-Rex, bien qu'elle ne réussit pas à surclasser la séquence du premier film, est réalisée d'une main de maître par le metteur en scène, sachant encore une fois nous garder crispés sur notre siège. Finalement, la composition de John Williams ici est simple mais efficace, le compositeur se permettant de nous donner une musique totalement différente du premier film, ce qui est un atout pour nos oreilles. Mais du côté des points faibles, eh bien, au niveau des effets spéciaux, bien que ceux-ci étaient tout simplement spectaculaires pour l'époque, ceux-ci, contrairement au film Jurassic Park, ont mal vieilli, le rendu de certains effets spéciaux paraissant beaucoup trop au rendu final. Le tempo du long-métrage est beaucoup moins rythmé que le premier film, nous donnant à plusieurs reprises une impression de longueur. D'ailleurs, le style beaucoup plus lent et beaucoup plus passif de Spielberg ici casse nettement avec le style donné au film Jurassic Park de 1993. L'intrigue est ici très conventionnelle et on oublie rapidement le discours scientifique et humanitaire qui alimentait le film précédent pour se concentrer tout simplement sur les dinosaures et sur l'action. Mais la véritable faiblesse de ce long-métrage est cette partie où l'on se retrouve à San Diego. Bien que ce soit un plaisir de voir un T-Rex se promener en pleine ville, la scène coupe mal avec le reste du film, surtout le moment où on passe de l'île pour se rendre à San Diego, cette dernière semblant totalement garrochée comme une idée de dernière seconde. De plus, il n'y a absolument aucune explication pour nous dire comment l'équipage a été totalement décimé sur le bateau alors que T-Rex était prisonnier des entraves du navire. Du côté musical, eh bien, c'est encore John Williams, ce compositeur américain qui s'occupe de réaliser ici la musique, lui qui nous avait donné les trames sonores de Dracula version 79, Superman the Movie, Home Alone et Saving Private Ryan. Il est possible d'avoir la trame sonore en CD et en cassette, trame sonore qui est sortie le 20 mai 1997 sous l'étiquette MCA. Et vous pouvez également trouver cette trame sonore sur The John Williams Jurassic Park Collection, cette édition limitée à 5000 exemplaires qui sera distribuée sur le marché le 29 novembre 2016 par les étiquettes La La Land Records. Je vous fais écouter ici la musique thème du film The Lost World Jurassic Park. We'll be right back. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm cote le film 3. J'y vais également avec une cote 3. Si ça n'avait pas été des 40 premières minutes du film, j'aurais probablement coté ce film 2. C'est quand même une œuvre qui a très bien vieilli avec le temps et c'est le genre de film qui se laisse écouter très bien. Du côté de l'âge et du contenu, eh bien, la régie du cinéma avait à l'époque coté le film 13 ans indicatif. Aujourd'hui, c'est général. Moi, j'y vais quand même avec un 14 ans. Il y a quand même des scènes qui pourraient effrayer certains tout petits. Du côté de The Lost World, Jurassic Park, eh bien, le film est coté 4 du côté de Mediafilm. J'y vais également avec une cote 4. Du côté de l'âge et du contenu, encore une fois, un film qui était à l'époque coté 13 ans indicatif, mais qui aujourd'hui est coté général. J'y vais aussi avec une cote pour tous. Le film est beaucoup moins violent que le premier Jurassic Park. Donc ça, c'est plus un film qui peut être écouté pour les tout-petits. Il y a quand même quelques séquences qui pourraient les effrayer. Du côté de la sortie en DVD et Blu-ray disc, Jurassic Park est disponible en version française et en version anglaise, en DVD, en Blu-ray ainsi qu'en 4K. Il est également possible d'avoir le coffret Ultimate Trilogy qui comprend bien sûr les trois films de la saga dans les deux langues, que ce soit Jurassic Park, Lost World, Jurassic Park 2 ou encore Jurassic Park 3. Et sinon, ben, vous avez bien sûr la Jurassic Park Collection qui inclut les trois films plus Jurassic World dont on parlera dans la prochaine émission. Pour The Lost World, Jurassic Park 2, eh bien, c'est la même chose. Un film qu'on peut retrouver en DVD, en Blu-ray et en 4K, qu'on peut retrouver en français et en anglais sur quasiment toutes les éditions. Comme je disais tantôt, possible également d'avoir ce coffret dans lequel vous avez les trois films de la série et aussi ce coffret où vous êtes capable d'avoir les quatre films de la série, les quatre premiers, bien sûr. Il faudra attendre avec la sortie du dernier film, voir si justement ils ne feront pas un coffret complet où vous aurez les trois films de Jurassic Park et les trois films de Jurassic World. D'après moi, c'est juste une question de temps avant que ces produits n'apparaissent sur le marché. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double. Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.